votre temps, c'est à vous en direct. L'association Ralentir pour vivre sur Radio Gémozo, de midi à 13h, un mardi tous les 15 jours, nous sommes à votre écoute pour parler ensemble du syndrome d'épuisement. Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous revoici en direct avec vous à l'antenne sur Radio Gémozo, l'association Ralentir pour vivre. Bon, je ne vais pas vous répéter pour la énième fois qui nous sommes, ce que je vous propose c'est d'aller sur le site ralentirpourvivre.org et vous verrez qui nous sommes. Ce sera plus simple que de vous répéter toujours et toujours la même chose. Par contre, succinctement, nous faisons de l'information et de la sensibilisation sur le syndrome d'épuisement. Il y a 15 jours, nous avons attaqué un sujet qui est tabou. Ça, c'est certain. Le burn-out parental. Alors, le burn-out parental, c'est quelque chose de particulier. Pourquoi ? Parce que les personnes qui travaillent dessus annoncent ça comme une tendance qui ne serait pas une maladie comme pourrait être considéré le burn-out professionnel. Maintenant, ça me laisse perplexe personnellement, parce qu'une tendance, ça veut dire quoi ? À mon sens, ça veut dire la même chose que le burn-out professionnel, c'est-à-dire, je m'explique, le burn-out est avant tout une maladie de société, une pathologie de société. C'est ce que nous explique la psychiatre qui travaille avec nous au sein de l'association, que c'est un culte de l'urgence, un culte de la compétition, une concurrence exacerbée et une manie d'évaluation. Donc, à mon sens, c'est une tendance. L'individu ou la personne qui en est victime n'a pas à se sentir coupable. Et c'est la même chose pour les parents. Ils n'ont pas à se sentir coupables. Ils sont dans une société qui les pousse à être de plus en plus performants pour l'éducation de leurs enfants. Il y a 15 jours, nous vous avons parlé de termes un petit peu particuliers que nous allons reprendre aujourd'hui. Les parents hélicoptères, les parents drones et les parents curling. Nous allons développer ce sujet. On va peut-être démarrer par une petite audio par rapport au fait que le burn-out parental est un sujet tabou. Ce qu'il faut que je vous dise avant toute chose, c'est que vous pouvez intervenir de manière anonyme, que vous soyez grand-parent, que vous travaillez dans l'éducation, que vous soyez vous-même parent ou ami de parents qui sont touchés. Vous pouvez appeler au 03 29 62 40 40 sur Radio Gémozo pour nous apporter un peu votre vision et parler de ce sujet. N'hésitez pas à appeler car c'est très important de pouvoir parler de ce sujet. Donc, pour parler de ce sujet en étant un sujet tabou, nous allons d'abord écouter une petite audio à ce sujet. Tu choisis le coloriage ? Lequel tu veux faire ? Celui-là ? Toilette ? Petit oiseau ? Il y a 2 ans, la naissance de Paul a été l'un des plus beaux moments de la vie de Mylène. C'était très fort quoi, quand il est né, une grande joie, voilà, beaucoup d'émotions forcément pour le papa et moi, on était très heureux. Nuit blanche, grosse fatigue, très vite elle découvre avec son compagnon l'autre face de la néoparentalité. Un peu bout du rouleau, ouais. Un peu dans le gaz toute la journée, si on peut dire. On lutte, et du coup, la priorité, c'est de s'occuper de son enfant, déjà. Et puis après, le reste, c'est accessoire, quoi. C'est pas chaud, celui-là. Mylène a vécu ce que l'on appelle l'épuisement parental. Un phénomène encore tabou chez de nombreux parents. J'ai l'impression que les parents n'osent pas parler des difficultés qu'ils rencontrent parce que peut-être qu'ils se disent je vais être jugé mauvais parent, je veux pas dire que je galère parce que je veux pas me sentir en échec. Il n'existe pas en France de chiffres officiels sur l'épuisement parental. Longtemps tabou, le phénomène est aujourd'hui de plus en plus connu et reconnu. Burnout parental ou la tyrannie de l'exigence. Burnout maternel quand on ne supporte plus ses enfants. Depuis quelques mois, les articles traitant le sujet fleurissent dans la presse. Pour trouver un peu de réconfort, Mylène vient 2 fois par semaine avec son fils dans cette association. On est combien aujourd'hui ? On est nombreux, hein ? Ouais. Pendant que les enfants jouent, les parents soufflent autour d'un café ou d'un thé. Le lundi, on est content de venir. Ça fait un petit moment de répit. Ouais. L'île aux familles, c'est un refuge pour papa et maman qui craignent de faire naufrage. Comme Christelle, 44 ans et deux enfants. Moi, j'ai quand même pas mal de solitude. Depuis le début de ma grossesse, je suis pas mal seule. Et ici, ben, y a une belle énergie. Ici, Christelle trouve une écoute et des conseils auprès de professionnels, comme Stéphanie Alénou. Elle fait le rapprochement entre le mot même et l'espace. Je ne sais pas. Cette éducatrice spécialisée à deux maîtres mots, non-jugement et bienveillance. Donc elle s'endort quand elle est fatiguée. Stéphanie, maman de quatre enfants, a elle-même vécu un burn-out maternel. Moi, ce qui a été vraiment le déclencheur du « faut que ça s'arrête », c'est le jour où il y a eu une gifle, où j'ai donné une gifle à un enfant. Et là, je me suis dit « mais c'est quoi la marche d'après ?» Et ça a servi pour moi un peu de prise de conscience. Stéphanie a tiré un livre de son expérience qu'elle souhaite désormais partager avec le plus grand nombre. Ce soir-là, elle se rend en Vendée pour animer une conférence. Selon elle, trois facteurs mènent au burn-out. Le manque de reconnaissance, l'isolement et le manque de sommeil. On ne voit pas qu'à un moment donné, on est complètement pompé et qu'on n'a plus du tout le jus pour y aller. Plus on en fait, plus on se fatigue. Et en fait, s'il n'y a pas une rupture avec le quotidien, s'il n'y a pas des choses qui changent radicalement, faut pas rêver, hein, la remontée, elle se fait pas comme ça. Bonjour. Plusieurs fois par an, Stéphanie parcourt la France entière pour raconter son histoire. Dans le couloir, il y a un enfant sur mon passage, je le bouscule un peu, il tombe par terre, il chouine, je me retourne même pas, quoi. Sur scène, elle est accompagnée d'Anne Pesnaud, une psychologue. On se voit faire... On s'y reconnaît pas du tout et en même temps, on peut pas s'empêcher de le faire. L'épuisement parental touche aussi bien les pères que les mères. Mais les plus durement touchés sont souvent les parents au foyer. Il y a un an, j'avais baissé les bras. Mais vraiment, j'avais baissé les bras. Je me suis dit, bah, on va attendre que ça passe. Mais voilà, on se dit, je vais droit dans le mur. Puis ça me ressemble pas, quoi, en fait. Émilie, maman de jumeaux, se reconnaît dans le récit de Stéphanie. Le moindre pas de travers, même à l'école, que ça se passe mal à l'école, que j'ai un mot dans le cahier, je ne supporte pas. Parce que vous vous sentez comment à ce moment-là ? Mais j'arrive pas à me contrôler, en fait. Comme d'habitude, Stéphanie écoute et rassure. On peut avoir tendance, effectivement, à être complètement submergé par tous les moments qui dérapent. Sauf que c'est évident qu'il y a plein de choses que vous faites vachement bien. Il faut aussi pouvoir les voir, ces choses-là, et s'appuyer dessus, parce que ça nous permet de nous pardonner tous les autres moments. Les échanges se poursuivent en tête à tête. D'accord. Vous vous êtes fait un peu aider là-dessus, non, perso? Pas du tout, non. Parce que j'ai eu beaucoup de mal, j'ai eu un mauvais regard par rapport à la PMI, toujours ouais. Peur que... Mais ça peut être bien, parce qu'il ne faut pas rester trop longtemps avec ça. Psychologue, lieu d'accueil parents-enfants. De nombreuses structures existent en France, mais elles demeurent souvent méconnues des parents en souffrance. Vas-y. C'est facile de rouler dans les feuilles. Mylène, elle va beaucoup mieux. Depuis quelques semaines, son fils fait des nuits complètes. Pour y arriver, elle et son compagnon ont fait appel à un spécialiste du sommeil. Ça a marché et on était bien contents d'avoir eu cette aide et qui nous a préconisé un nouveau rythme de sommeil, de repas. Et voilà. Et c'est bien qu'il y ait des gens qui sont formés pour ça, pour le sommeil, et qui peuvent aider les parents, quoi. C'est indispensable. On y va ? On rentre ? Aujourd'hui, Mylène veut profiter pleinement de son fils Paul et a pour projet de reprendre son travail d'accompagnante scolaire. Elle avoue pourtant ne pas encore être prête à avoir un deuxième enfant. Voilà, nous avons un témoignage poignant du burn-out parental. Donc le burn-out, on peut résumer ça comme une pression sur le long terme. C'est ce qui se passe dans l'éducation des enfants, c'est la pression sur le long terme, car on peut dire en quelque sorte que l'éducation à l'heure actuelle doit être une quête de perfection. Nous avons avec nous sur le plateau de Radio Guémozo, Lia, la responsable des programmes, oui. Maman de trois enfants. Quatre, toujours, excuse-moi Lia. Bonjour Catherine. Oui, nous avons toujours ce même sujet. Je t'ai vu durant l'audio ouvrir de grands yeux, parce que oui, c'est les symptômes du burn-out parental sont effrayant quelque part. Mais oui, et puis moi je me suis retrouvée un petit peu aussi là-dedans parce que il y a un moment donné on devient négligent, hein, il faut quand même le dire. On a beaucoup parlé aussi de la maltraitance verbale. Enfin, oui. On mettait beaucoup dans la maltraitance seulement l'aspect physique, oui. Mais il existe une autre maltraitance. Et quand on devient négligent avec son enfant, qu'on ne le supporte plus, qu'on manque de sommeil, que l'on est complètement déphasé, et ben ça peut nous arriver. Et j'ai trouvé ça très bien à la fin, voilà, qui redirige les gens vers des services spécialisés. Moi, je te l'avais dit la dernière fois, j'avais eu la grande chance de pouvoir tout de suite, dès mon premier enfant, être accompagnée parce que j'étais très jeune, j'avais 16 ans. Donc tout de suite, les services étatiques m'ont un petit peu oui. mis dans un cocon. Et puis, par moi-même, j'ai été dans un centre social de quartier pour rencontrer d'autres parents, etc. Oui. Et il y avait aussi cet aspect huis clos où on est complètement enfermé dans sa solitude, on ne se reconnaît oui. plus, ça commence à devenir tabou, et puis en fait on n'arrive pas à dire aux autres qu'on ne se comporte pas de la meilleure façon avec ses enfants parce qu'on n'en peut plus. C'est ça, et c'est bien ce qu'elle a dit dans cet audio, c'est-à-dire que les symptômes, c'est ce sentiment de solitude, oui. de non-reconnaissance, de femme au foyer par exemple, et puis de manque de sommeil. Oui. Et ça, c'est effectivement, c'est réellement quelque chose de difficile à vivre. Et le soutien extérieur, l'écoute, l'échange, voir qu'on n'est pas seul dans oui. ce souci. Parce que la chose la plus importante, elle est quand même que les personnes ne se sentent pas coupables. Tout à fait. D'être victime de ce syndrome. Et puis on peut pas demander à quelqu'un qui manque de sommeil d'être d'être au top quoi. Et au bout d'un moment en fait l'enfant qui nous fait manquer de sommeil entre guillemets, si je peux parler crûment comme ça, il devient presque un ennemi à travers nos yeux. C'est ça. Parce que on n'en peut plus en fait. C'est ça, tout à fait. Donc comme on en avait parlé il y a 15 jours, on va parler de ces fameuses façons de dire parents hélicoptère, parents drone, parents curling. Alors en premier, je dirais, ils ont un point commun, c'est la quête de la perfection pour l'éducation des enfants. Ça, c'est pour eux un point commun. C'est se surinvestir au risque du burn-out qui a un effet délétère sur les enfants parce qu'il y a l'effet boomerang. C'est-à-dire que le parent devient fatigué et l'enfant, il trinque quelque part. Donc, la première façon de faire étant de se surinvestir et de quête de perfection, donc c'est du bien. Et cette quête de perfection va devenir peut-être quelque chose de nocif pour l'enfant. Mais je suis pas sûre que la quête de perfection dans tous les domaines confondus ce soit non. du domaine du bien. Voilà. De toute façon. Là, on pourrait effectivement prendre ça comme un point commun par rapport au burn-out, c'est tout travailler sur son imperfection. Mais oui. Et c'est peut-être là que vient la résilience. Tout c'est une fait. Chose tout à fait certaine. Donc les parents, on va commencer par les parents hélicoptères. Alors qu'est-ce que c'est que les parents hélicoptères? Lia, tu te demandes ce que c'est, hein, je pense. Voilà, alors je vais raconter ce que sont les parents hélicoptères. Ce sont des parents surprotecteurs. Ce terme a été employé pour la première fois par Haim Dinot, psychologue israélien, dans son livre de conseils « Between Parents and Teenagers », publié en 1969. Donc ça date pas d'aujourd'hui. Hein. Ah oui, quand même. Oui, quand même. Certains attribuent la création de ce terme à Foster Kleene et Jim Fay dans leur livre de conseils aux parents « Parenting with Love and Logic », publié pour la première fois en 1990. De nouveau, on est, je dirais, pas... Aujourd'hui, on est déjà... Oui. Il y a un moment que ça dure. Donc, les parents hélicoptères désignent les parents qui sont toujours derrière leurs enfants pour les surveiller et les stimuler comme des hélicoptères planant en vol stationnaire. Ce sont des parents qui sont à la fois pompiers, ambulanciers, guérisseurs, définit Anne-Laure Buffet, thérapeute et autrice de l'ouvrage « Les prisons familiales », se libérer et guérir des violences invisibles. Ils sont dits hélicoptères puisqu'ils surveillent de haut, ils volent au-dessus et au secours de leurs enfants. Les parents hélicoptères sont des parents qui vont faire à la place de l'enfant, vont tout surveiller, tout contrôler, être dans une très grande, trop grande prévention. Ces parents interviennent dans tout ce qu'ils considèrent comme des risques physiques ou sociaux, toujours dans le but que leur progéniture ne souffre pas. De la première chute à la première mauvaise note, ils interviennent souvent et même ils anticipent, supprimant tous les obstacles qui se trouvent sur la route de leurs enfants. explique la spécialiste. Un comportement éducatif néfaste qui part beaucoup, qui part pourtant d'une bonne intention, puisque les parents hélicoptères souhaitent rendre la vie de leur enfant plus facile. S'ils lui facilitent la vie, ils lui retirent toute faculté d'analyse et toute autonomie. Donc là, on en arrive à un point qui est de se rendre compte, de prendre du recul par rapport à la situation. Un enfant a besoin, et on le verra par la suite, parce qu'on a d'autres audios très intéressantes à ce sujet, on le verra par la suite, l'enfant a besoin de faire l'expérience du bien et du mal, l'expérience de ce qui est bon et de ce qui est mauvais, l'expérience de ce qui est aimable et de ce qui est frustrant. Enfin, il a besoin d'un terrain d'expérience qu'il est meilleur d'avoir au sein de la famille. Mais tout à fait. Et puis en plus, c'est important en fait qu'il trouve ses propres moyens pour faire face à la situation. Voilà, c'est sûr qu'on essaye d'adoucir la vie de nos enfants. Surtout, on a tous notre propre histoire. Donc peut-être que quand on a vécu certaines carences quand on était enfant, du coup, ça peut encore donner une proportion différente. Moi, j'ai grandi par exemple toute seule. Mes parents ne sont pas occupés de moi. Donc forcément, j'ai eu beaucoup envie d'entourer mes enfants, essayer d'effacer, comme tu le dis, toute difficulté, adoucir au maximum leur vie. Mais il y a aussi des conséquences ensuite, c'est que si on fait ça à long terme, nos enfants, ils sont plus capables de répondre seuls en fait aux difficultés. Quand c'est on n'est pas là, quand on est à l'école, ça doit être un enfer pour un parent. C'est moi, ça. Au début, je l'ai vécu, c'était un enfer, parce que comment il fait quand je suis pas là, le petit? C'est ça. C'est exactement le problème qui arrive dans ces choses-là. On va faire une petite pause musicale. Raphaël, heure supplémentaire. Serré dans le métro, serré au cou, je te fais mon col. État du jour impliqué, les marques sous les visages ont des marques. Pas assez de richesse, trop de désir, pas assez de bonheur pour tout le monde. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Je fais des heures sup d'amour, d'amour, d'amour. Il paraît que le bonheur, c'est du vol. Passe le sang à l'heure, il faut bien que quelqu'un meure. Je remonte chez moi, j'allume les infos, se plonge tout droit dans les égouts. Je regarde l'heure, tu n'es pas là. J'imagine ce qui pourrait arriver, non, n'imagine pas. Dehors, il pleut sur ceux qui n'ont rien, serré dans les tentes sous le métro aérien. Ferme les yeux, déjà non, ne les ferme pas. Je fais des heures sup d'amour. Nous revoilà à l'antenne sur Radio Gémozo où vous pouvez intervenir au 03 29 62 40 40 à tout moment, en anonyme ou comme vous le désirez, pour donner un petit peu de ce que vous pensez de ce sujet que nous sommes en train d'approfondir avec vous. Alors, ce parent hélicoptère, il a une petite, un petit inconvénient, donc, parce que c'est normal de vouloir le mieux pour ses enfants et tout. Tout ça, c'est normal. Seulement, c'est l'excessif qui est pas bon. Une surprotection peut entraîner à l'âge adulte une dépendance affective. L'enfant reste dans un attachement dépendant aux parents, comptant sur lui réellement et implicitement pour être toujours présent, quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est sans se mentir, c'est quand même quelque chose de particulier. Cela risque aussi d'entraîner du stress, de l'anxiété, un manque de créativité, mais surtout un grand manque de confiance en soi. Les enfants de parents hélicoptères peuvent développer une grande anxiété loin du parent et le sentiment d'être incapable. Après tout, si tout a toujours été fait pour eux, comment savoir se débrouiller seul? Comment savoir réagir en cas de problème? Donc c'est un petit peu ce qui arrive à des adolescents. Donc les parents ont joué leur rôle d'hélicoptère. Et ensuite, ils se trouvent confrontés à un adolescent qui a de la peine à grandir. Est-ce qu'on pourrait dire ça comme ça? Ça dépend certainement des cas, mais j'imagine que oui, ça doit être compliqué quand quelqu'un régit toujours tout pour nous, qu'il adoucit les choses au maximum, parce que il faut pas se mentir, hein, on vit pas non plus dans un monde de bisounours, non. Quoi. Et puis la dépendance, donc c'est un petit peu comme la dépendance affective au sein d'un couple, quand il y en a un qui fait tout et l'autre qui attend, il y a une dépendance affective qui se crée, qui n'est pas non plus épanouissante. Et puis à un moment donné, le parent a sûrement envie de penser un petit peu à lui, enfin je l'espère en tout cas, oui. Surtout quand l'enfant grandit, on se dit ok, super, je vais avoir un petit peu plus de temps. Est-ce qu'à ce moment-là l'enfant va pas se sentir délaissé? Ça va peut-être créer des conflits aussi parce que l'enfant va plus comprendre. Oui, c'est difficile, c'est vraiment un sujet très très difficile. On va écouter une toute petite audio, mais très intéressante, de Bruno Humbeck, je ne sais pas si je prononce juste, hein. Bruno Humbeck, qui est belge et qui est spécialisé il est spécialisé en tant que je crois psychanalyste ou quelque chose comme ça, ou thérapeute. Vous pouvez retrouver sur le net Bruno Humbeck. Humbeck. H-U-M-B-2-E-C-K. Bon, ben, c'est pas ma journée, il y a des nuages, il fait frais, ma langue fourche. C'est bien Humbeck. Ben, voilà, Humbeck, voilà. Voilà, donc, on va écouter Bruno Humbeck qui nous explique qu'est-ce que c'est que le parent hélicoptère. Un hyperparent, c'est un parent qui se sent tellement responsable de la venue au monde de son enfant parce qu'il l'a en gros convoqué à naître. C'est le cas de la plupart d'entre nous. Il est tellement responsable qu'il se dit, s'il arrive quelque chose à cet enfant, ce sera de ma faute. Donc, parent hélicoptère. Il va tourner autour de son enfant tout le temps. T'es où? T'es avec qui? Tu reviens quand? Il va en permanence contrôler les mouvements de l'enfant. Alors, c'est parfois un peu paradoxal parce qu'il va lui dire en même temps, explore le monde. Résultat, l'enfant obéit, il reste sous les yeux de son parent, il explore le monde, il reste dans sa chambre. Et là, ses hyperparents viennent consulter parce que trop d'écran. Et l'autre tendance qu'ils vont avoir, ces hyperparents, c'est se dire, j'ai convoqué un enfant à naître, donc cet enfant doit être heureux, tout le temps content, éternellement satisfait et perpétuellement joyeux. Et là, ça va donner un cahier de charges insoutenable pour les parents et pour l'enfant, parce que ça crée aussi beaucoup de tension sur l'enfant. Bruno, on a l'impression de parler comme ça d'une catégorie de parents, oui. Quand on parle d'hyperparents, mais... est-ce qu'on ne peut pas tous être à un moment ou à un autre de notre histoire dans l'éducation hyper-parent, se dire, tiens, ce jour-là, ben, tel et tel événement fait que j'ai un peu plus protégé mon enfant, j'ai fait plus attention. Mais être un hyper-parent, c'est une tendance naturelle de la parentalité et on le contient tous en germe, l'hyper-parent. Il n'y a que les hypo-parents, c'est-à-dire ceux qui ont laissé tomber parce qu'ils avaient des exigences trop fortes et qui n'ont pas eu les résultats espérés, alors ils se mettent complètement en retrait. Ça devient problématique quand alors? Quand ça crée de la tension sur soi, parce qu'on est trop exigeant par rapport à soi-même, sur l'enfant, parce qu'on est trop exigeant par rapport à l'enfant, ou de la pression sur la relation éducative. Dans ces cas-là, l'hyperparentalité est problématique. Sinon, a priori, bah, il faut se laisser tranquille par rapport à cette éducation, parce qu'elle vient effectivement de bonnes intentions. Moi, quand je donne des conférences sur l'hyperparentalité, je donne ces définitions, donc parent hélicoptère, parent curling, puis le parent... drone. Oui, le parent drone, tous ces parents bah, qui... Je vois des parents qui regardent, qui se disent « mince, c'est un petit peu moi, et c'est moi qui va... » Et puis ils sourient. Et là, c'est gagné. S'ils arrivent à en sourire sans se sentir culpabilisés, parce qu'on n'a quand même pas à être, se sentir coupable, bah, de vouloir éviter que notre enfant soit soumis à des risques excessifs, de vouloir lui donner en permanence le meilleur, et de faire en sorte qu'on essaye le mieux possible de préparer son avenir. Voilà, il nous explique quand même bien que cette hyperparentalité peut être quelque chose de positif. La reconnaître et peut-être en sourire, alors je trouve que c'est une thérapie intéressante. Mais ouais, c'est sûr, hein. Avoir du recul aussi sur ce qu'on fait. Et puis si on en sourit, c'est que soit on a dépassé les choses, soit l'équilibre était quand même... voilà. Oui. C'est une manière de voir les choses avec relativité, c'est-à-dire voilà, j'ai été comme ça, et il le dit très bien, j'ai été comme ça, j'ai pu être comme ça, ok, demain je vais quand même un petit peu calmer ma joie, on va dire ça comme tout ça. Tout à fait, et puis c'est important aussi, je pense, peu importe le comportement qu'on a avec son enfant, bah, de pouvoir aussi lui expliquer tout simplement ce qui se passe. Oui. Peut-être que je m'inquiète trop pour toi. Comment tu te sens là-dedans? Est-ce que tu te sens plutôt étouffé? Est-ce que tu as l'impression finalement que je suis pas assez présent? Et à ce moment-là, peut-être entamer un autre dialogue pour exprimer nos propres besoins de parents aussi et d'individus. Écouter l'autre, trouver des compromis. Et voilà, des fois la parole aussi, ça délie beaucoup. Avec d'autres parents, mais aussi avec nos enfants, quoi. C'est ça. Et à un moment donné, peut-être se permettre de dire, alors écoute, là, voilà, effectivement, t'as un problème dans le sein de, je sais pas, de tes cours, de maths ou autre. Je te propose de maintenant cultiver ta responsabilité. Donc, je ne vais pas pouvoir intervenir. C'est à toi, si vraiment tu as besoin de moi, c'est à toi de venir me demander. Mmh. Parce que c'est autre chose, un enfant qui vient demander de l'aide, ce qui est normal, de l'aide du parent, plutôt qu'un parent qui impose l'aide. Bah oui, ça c'est... Je pense que c'est ce changement de paradigme, quelque part. C'est-à-dire lui montrer qu'on est là, quoi qu'il en soit. Par contre, on le laisse... pas parce qu'on l'abandonne, mais on le laisse parce que on aimerait qu'il développe une certaine individualité. Autonomie, émotionnelle aussi, hein, oui. Voilà. Après, je pense qu'il y a des enfants qui sont très introvertis, qui montrent un mal-être autrement. Donc là, à ce moment-là, c'est sûr, il faut pas hésiter à essayer d'entamer le dialogue et essayer, voilà, de savoir ce qui se passe. Même si moi, je le fais avec beaucoup de précautions parce que aller, par exemple, vers un ado qui souffre et qui est renfermé vers lui-même, enfin sur lui-même, ça peut être pour lui très trop frontal, très violent de dire bon voilà, on s'assied, dis-moi ce qui se passe. Je pense qu'il faut que ce soit toujours avec subtilité. Après, encore une fois, c'est que mon ressenti à moi. J'imagine qu'il y a plein d'autres gens qui font d'autres choses. J'entends ton ressenti et je partage avec toi ce ressenti, quoique mes enfants sont loin d'être des ados, puisque leurs enfants sont des ados. Donc imaginez qu'ils ont passé la quarantaine. Et dans ce cadre-là, même, parce qu'on dit parent un jour, parent toujours, il y a toujours cette espèce de pudeur qu'ils peuvent mal interpréter, parce qu'ils disent « oui, mais tu t'intéresses pas à moi ». C'est pas qu'on s'intéresse pas à eux, seulement il y a la barrière de « est-ce qu'on est intrusif ou pas ?» Parce que c'est devenu des adultes aussi. Moi, c'est ce que je vis. Oui. Quand je vois des souffrances chez mes enfants, alors j'essaye d'être une oreille, peut-être mal interprété parce que on va peut-être trouver que je m'intéresse peut-être pas assez. Alors j'essaye d'être dans le milieu. Oui, c'est pas facile. C'est pas facile parce que être intrusif, c'est pas bon non plus. Non, moi j'en suis pas encore là. J'en ai que deux qui sont adultes et toujours je mets les précautions. Alors j'ai l'impression que tu vis ça. Est-ce que je peux t'aider? Est-ce qu'on peut en discuter? Est-ce que t'en as envie? Surtout si je suis trop présente, n'hésite pas à le dire. Je pense qu'en fait, il faut pas avoir de tabou dans la verbalisation de ce qui se passe parce que quand on dit les choses texto comme elles sont, eh ben voilà, au moins notre interlocuteur en face, que ce soit nos enfants ou quelqu'un d'autre, ben ils savent vraiment ce qui est à l'intérieur de nous. Et puis pour les enfants, comme tu dis, j'ai réussi à un moment donné moi à lâcher prise en disant écoute, là il s'est passé ça, par contre c'est de ta responsabilité, qu'est-ce que tu vas faire pour arranger les choses, moi je veux bien t'aider mais c'est à toi de faire le chemin, prends tes responsabilités. Et je pense que ça c'est important. Je pense que mettre un point sur il y a deux points qui me paraissent extrêmement importants. Le premier, c'est d'arriver à prendre du recul pour rire de sa propre, avoir une autodérision par rapport à sa propre hyperparentalité, peut-être excessive quelquefois. Savoir la reconnaître et puis prendre un petit peu de distance par rapport à tout ça, question de donner un peu d'air. Hein. Et puis aussi de dédramatiser, parce que il va bien falloir que notre enfant souffre à un moment donné. Ça, c'est sûr. On pourra le prendre dans les bras, mais à part le prendre dans les bras, on va pas pouvoir lui enlever la souffrance de la vie. Elle est là. C'est du lâcher prise, quoi. Et oui, c'est pas évident non. à vivre. Mais je pense aussi, pour aller encore plus loin, c'est que quand on est dans l'hyperparentalité, du coup, comme ce monsieur l'explique, c'est que déjà, nous-mêmes, en fait, on a des carences, il y a des failles affectives, oui. Il y a quelque chose qui s'est passé en nous durant notre enfance, certainement comme beaucoup de choses en fait qui induisent sur nos comportements adultes, peut-être qu'il est le temps à ce moment-là d'aller consulter pour nous-mêmes et ça a un deuxième point très important, c'est-à-dire que dans l'hyperparentalité, ils expliquent que le parent ne prend plus de temps pour lui, se sentant coupable de ne pas l'offrir à ses enfants, et que c'est une des démarches à suivre pour éviter le surinvestissement, c'est de prendre du temps pour soi. Et donc oui. Exactement, d'aller consulter en disant bon ben voilà, avec mes enfants il se passe ça, qu'est-ce que ça vient chercher en moi, quelle est la chose que je refuse de voir ou sur laquelle je me mens. Puis c'est un super message pour ces enfants de dire bah voilà, moi je suis ta maman mais je suis aussi ton papa, je suis aussi un individu avec mes blessures, mes complications, j'ai besoin de voilà qu'on prenne soin de moi, de me faire aider. Je me rappelle d'une parole de quelqu'un qui m'accompagnait quand j'avais mes enfants étaient plus jeunes, et qui m'avait dit c'est pas grave si votre enfant vous voit pleurer, ouais. C'est normal. Oui, il y a peut-être un téléphone là, on va voir. En attendant, on va faire une petite pause musicale et on vous retrouve sitôt après. Tant qu'on rêve encore, que jamais personne s'endort. Je sais l'eau verser sur mon corps, sentir son cours jour après jour. J'ai remonté les tourments pour m'approcher encore. J'ai ton désir ancré sur le mien. J'ai ton désir ancré à mes chevilles. Viens, rien ne nous retient. Tiens qu'à nous, je fais de toi. Just to keep veux qu'on se prenne, qu'on s'appartienne. Nous revoilà en direct sur Radio Guémorzeau pour parler du burn-out parental. Nous avons une auditrice qui nous a joint et que nous allons prendre à l'antenne. Oui, bonjour les auditeurs de Radio Guémorzeau. Je me présente, je suis Fatia et j'habite près d'Épinal. Bonjour Fatia, ben, ravie de t'entendre. C'est vraiment oui sympa à toi d'appeler parce que effectivement on a eu une discussion et tu nous as parlé de ton burn-out parental qui a eu lieu il y a quelque temps puisque maintenant ton fils est adolescent. Oui. Donc il y a 4 ans à peu près de ça. Pour la petite anecdote, en voulant cuire un steak, je me suis effondrée de pleurs parce que de cuire un steak, ça me semblait à ce moment-là impossible. Voilà. Oui, c'est le symptôme principal du burn-out, c'est les crises de larmes inconsidérées qui n'ont irrationnelles. Voilà. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'avais en tête qu'il existait un numéro de téléphone SOS amitié. Donc je me suis enfermée dans les toilettes et puis j'ai discuté pendant une heure avec une dame, une écoutante. Et après, je me suis dit, j'ai vraiment un problème, quoi. Oui, mais la réaction a été excellente parce que c'est le soutien et l'écoute qui est quand même la première réaction à avoir. Oui, absolument. Après, elle tombe à point. D'ailleurs, votre chanson, je fais de moi. Oui. Enfin, je fais de toi mon essentiel. Oui. Et en fait, mon fils, à ce moment-là, il était tout tourné autour de lui. Et depuis, maintenant, je lui dis, la personne la plus importante dans ma vie, c'est moi. Et je suis d'autant plus une meilleure mère depuis que je le rassure aussi parce qu'il sait que mon monde ne tourne pas autour de lui et je l'aide à grandir et à bien se développer quoi en même temps. Oui, alors ça c'est hyper important. D'ailleurs, ils le disent à plusieurs reprises que les enfants ressentent une légèreté quand les parents commencent à s'occuper d'eux parce que la pression qui est sur eux, elle disparaît. Oui. Oui, et c'est vrai, la dame qui était tout à l'heure aussi à tes côtés disait que moi j'élève seul mon fils. Et c'est vrai qu'on a une culpabilité à vouloir, je ne sais pas d'où c'est que ça vient, à vouloir donner à moi toute seule ce que le père et la mère auraient pu donner. Donc, et a priori, sociologiquement, ça se retrouve assez régulièrement. Oui. Bah oui, effectivement, on doit prendre la place des deux parents parce qu'on se dit qu'autrement, il va y avoir une carence chez notre enfant. Et justement, c'est exactement ce que l'on veut pas qu'il vive, ressentir un manque quelque part. Sauf que non, on n'est pas papa et maman en même temps. Et je trouvais que c'était très intéressant ce que tu disais, Catherine, le poids que l'enfant doit ressentir quand il sent qu'en fait, il est tout pour nous, qu'on ne vit qu'à travers lui, que son bonheur est le plus important. Oui. Mais alors, à quel moment, en fait, il peut être malheureux, cet enfant ? Et puis, à quel moment il peut être indépendant, surtout, autonome, libre ? Je pense notamment à un adolescent. Il a besoin de moments à lui où il raconte plus ou moins. Je ne sais pas, je dis ça, mais... Oui, quand on lui laisse cette liberté-là, du coup, ce qui est marrant maintenant avec mon fils, c'est que c'est lui qui vient et qui me raconte. Alors, limite, des fois, il m'agace. Attends, laisse-moi. Ah, faut que je te raconte ci, faut que je te raconte ça. Et il a fallu que je passe aussi par aller voir un thérapeute. Hein. Je suis passée aussi par de l'hypnose pour essayer de comprendre aussi, effectivement, les failles de l'enfance, qu'est-ce qui se rejoue, etc. Mais je pense que quand on s'aime assez, soi, on a envie de changer les choses. Et je pense que, pour moi, la clé, ça a été de me dire, mais Fatia, on n'a qu'une vie, faut pas la gâcher, même pour l'amour de son enfant. Ben vraiment, merci infiniment de ce témoignage, Fatia. Mais de rien. Qui est très positif. On se rend compte qu'en fait, ça a déclenché une situation très positive. Absolument. Voilà. Absolument. C'est ce qu'on appelle la résilience. Oui, c'est ce qu'on appelle la résilience, oui. Oui. Eh bien, un petit message à tous les auditeurs et puis à tous ceux peut-être qui actuellement sont dans ce burn-out. En tout cas, toujours garder l'espoir. Et puis, on n'a qu'une vie. Pensez à vous. Voilà. Excellente journée. Merci beaucoup. À toi aussi, Fatia. À bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Dis donc, quel témoignage. Oui. Ça fait plaisir. N'hésitez pas à nous rejoindre 03 29 62 40 40, comme quoi on peut parler des choses. Et même si vous êtes en cours, parce que là, Fatia, voilà, elle a dépassé les choses, donc peut-être que c'est peut-être un petit peu plus simple, entre guillemets, pour elle de nous appeler, mais peut-être que vous, vous êtes en, bah voilà, en pleine crise, entre guillemets, voilà, vous êtes peut-être complètement abattu, et justement, eh ben, faites comme Fatia, appelez à l'aide, et puis peut-être que ça passera par chez nous, quoi. Exactement. Et puis, on partagera, et le partage rend peut-être plus légère cette situation. Là, ça a été très important de mettre en avant le fait, quand on a fait notre préparation d'émission, on a été se renseigner sur beaucoup de choses. Et il y a un point important, c'est peut-être surprenant, c'est l'enfant, c'est ce que tu disais tout à l'heure, Lia, c'est l'enfant qui se sent plus léger quand le parent ne le regarde plus. Ben, je donnerai juste une petite métaphore. Imaginez, vous êtes dans une soirée, et puis il y a quelqu'un qui vous fixe. Est-ce que vous vous sentez bien? Je pense pas, du coup. Du coup, voilà. Alors, imaginez l'enfant qui a le regard fixé des parents tout le temps sur lui. C'est pas bon. Ça met une pression. Est-ce que je suis en train de faire juste, pas juste? Est-ce que je vais me faire réprimander, pas réprimander? Est-ce que je dois aller lui demander? Je dois lever, si, faire ça? Enfin, il y a une pression sur l'enfant. Ce qui fait que quand le parent enlève cette espèce de surveillance, d'hyperparentalité, il y a des moments où l'enfant peut se dire, oui, bon, ben voilà, c'est à moi de savoir, est-ce que je fais juste ou est-ce que je fais pas juste? Il peut en discuter après, par la suite. C'est l'expérimentation de la vie, c'est de toute façon. On a à côté de nous un jeune homme que je ne nommerai pas pour l'instant, peut-être qu'il voudra prendre la parole un peu plus tard, mais je ne le forcerai pas, qui est très ému en tout cas de tout ce qui est en train de se dire et qui est enfant, je pense, d'un parent comme ça. Donc comme quoi, ça peut soulever des choses chez les enfants. Oui, c'est tout à fait juste. On se trouve dans des moments où les enfants peuvent avoir aussi leur mot à dire à ce sujet par rapport à comment est-ce qu'ils le vivent. C'est effectivement important. On va écouter une petite chanson et après nous ferons la clôture de cette émission. Avec une personne qui nous accompagne ici au studio de Radio Gemozo. Je te laisse te présenter. Bonjour à tous, chers auditeurs, chères auditrices. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc, voilà, j'ai été impacté par tout ce qui s'est dit avant, parce qu'en réalité, voilà, j'ai fondu en larmes, parce que tout ce qui a été rapporté, ça me concerne. C'est la situation que je vis à l'heure actuelle, et je pense que c'était pour moi important de prendre la parole sur ce sujet-là et parler un peu. Voilà. Si je résume, vous avez vécu une situation avec des parents hélicoptères. Et je la vis encore aujourd'hui, d'ailleurs. D'accord. C'est-à-dire qu'ils veulent tout savoir et tout contrôler. C'est-à-dire que c'est ça en réalité, c'est que voilà, la moindre chose que je vais faire, il faut qu'elle soit au courant. Si je fais pas comme la façon qu'en fait elle préconise, que ce soit il ou elle, peu importe, ça va pas aller à chaque fois et il va y avoir conflit et voilà, et pour des choses banales en fait, tout simplement. Voilà, alors ce qui serait important peut-être là, parce que merci beaucoup d'apporter ce témoignage, c'est très intéressant. Ce qui serait important, c'est de savoir comment vous le vivez. Alors là, dans le moment présent, ça vous apporte une grosse émotion. Et comment vous le vivez au quotidien ? Écoutez, je vais être franc avec vous. Le fait de, en fait, ce qui me rend, en fait, voilà, c'est que quand je fais des choses basiques, que ce soit sortir, que ce soit aller, je sais pas, prendre à manger, faire des choses, ça, je vais toujours avoir une pression derrière en me disant, mais punaise, elle me surveille. Elle regarde ce que je fais. Si je ne fais pas comme elle le veut, moi, je vais me prendre quelque chose après, je vais me faire réprimander, il va se passer quelque chose. Et moi, en fait, je vais avoir peur de faire des choses. Par exemple, voilà, avant, je ne sais pas, avant, je sortais beaucoup. Bon, des fois, je n'étais pas raisonnable, mais quand même, je me faisais plaisir, etc. Et maintenant, depuis qu'il y a ce contrôle permanent, je respire plus. C'est-à-dire que j'ai l'impression de plus pouvoir sortir, de plus pouvoir rien faire et de plus pouvoir profiter, en fait, en réalité. Parce que ça n'a pas toujours été comme ça. Au début, non. C'était pas comme ça. Au tout début, c'est... Non, c'est à partir de... Ça fait peut-être 2-3 ans que c'est comme ça. Ça a été, à un moment donné, une prise de conscience et puis un besoin de tout contrôler. C'est ça. C'est... Je m'en suis rendu compte, en fait, à un certain moment. Par exemple, ça, c'est peut-être c'est l'inquiétude bonne, peut-être, dans la façon de faire. Mais dans l'intention, excusez-moi, mais dans la façon de faire, c'est pas du tout. Voilà, c'est pas du tout comme je le perçois, quoi. Si je dis ce que je ressens en présence de vous ici, à la radio, il y a un message que cette personne, si elle écoute, elle pourra entendre. C'est un message d'amour. Vous l'aimez beaucoup, seulement. Vous n'aimeriez pas que ce soit au détriment de votre propre équilibre intérieur. Tout à fait. Donc ça, il faut le prendre en compte. Parce qu'il y a effectivement un point de ne pas rendre coupable une personne de vouloir faire bien. Et en même temps, la prévenir que, attention, là, ça va trop loin. J'ai déjà essayé. Vous savez, j'ai déjà essayé. J'ai essayé plein de fois et c'est voilà, j'ai raison, tu as tort. Voilà, c'est d'accord, ça. D'accord. C'est difficile à vivre et très difficile à. Bon, on comprend pourquoi il y a des enfants à un moment donné qui mettent, qui relativisent et qui prennent ça peut-être avec plus de. Oui, parce que c'est une manière aussi de voir ça peut-être différemment, de se dire il y a besoin d'un conflit et le conflit doit être là. C'est ça, mais pas perpétuellement comme ça. C'est pas quelque chose de bien, quoi. Je peux vous le dire la dernière fois, je rentrais d'un endroit, voilà, et le problème, c'est que j'avais peur, en fait, de rentrer à la maison et qu'il y ait un conflit. Parce que, tout simplement... Le matin, je m'étais fait engueuler, etc. Bon, parce que voilà, j'avais fait une petite bêtise, mais ça, c'est normal, c'est ma faute. Il faut l'assumer aussi. Quand on a ses torts en tant qu'enfant, il faut assumer aussi. C'est qu'en fait, c'est ça, même si c'est un petit truc minime, en fait, je vais prendre tarif à chaque fois, et ça, c'est, voilà. Je sais que c'est pour notre... Je sais que, voilà, les parents, quand ils sont comme ça, c'est pas pour nous faire du mal en soi, c'est pour bien s'inquiéter envers nous, et pour bien montrer qu'ils nous aiment, mais... Des fois, trop, c'est trop. Quand c'est vraiment quelque chose pour étouffer, etc., je suis pas d'accord. Moi, je tolère pas ce genre de choses parce que... C'est difficile à vivre. Tout à fait. C'est difficile à vivre. On peut vous demander quel âge vous avez ? Ok, bah, pas de problème, j'ai 22 ans. D'accord, voilà. Donc, ça s'est passé à partir de votre majorité, quand vous avez pris un peu, je dirais, d'aisance. Et là, ça a été pris comme quelque chose d'ennuyeux. Avant, vous étiez quoi, un adolescent bien sage ? J'étais pas quelqu'un de rebelle, j'étais pas quelqu'un en colère, j'étais quelqu'un de très, très calme, très, très à l'écoute des gens. Bon, je le suis toujours, mais maintenant j'ai une sorte de haine en moi qui est montée depuis ce temps-là, parce que voilà, en fait, je me suis, depuis que je peux plus faire ce genre de choses que je faisais avant, des fois, je m'interdis de sortir parce que j'ai peur de encore me prendre une réprimande, parce que ça me bloque, en fait. Et c'est ça, c'est comme si j'étais prisonnier de moi-même, en fait. Prisonnier de l'amour que vous avez pour le parent. Exactement. Alors, dans ces conditions, alors, j'ai aucun conseil, parce qu'on dit toujours, les conseilleurs sont pas les payeurs, hein. Ça, on est bien d'accord. Je sais. Seulement, une médiation dans un endroit où par enfant, peut-être, ça serait quelque chose de positif de demander ça, d'exiger une médiation pour pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur et elle, qu'elle puisse le dire aussi, parce que je pense que les deux personnes ont quelque chose à dire. Souvent, ça relève de l'inquiétude en plus du parent, en fait, tout simplement, mais c'est quand on s'enferme à l'intérieur de ça, que ça, ça devient... quand on prive l'autre de sa liberté aussi, quand on le prive de ses expérimentations, de son autonomie, quand on commence à être angoissé à l'idée de revenir à la maison, de pas répondre aux critères. Souvent, il y a des parents, en fait, qui copient-collent ce que eux n'ont pas pu devenir. Ils veulent pour leur enfant l'idéal que eux auraient voulu vivre, mais n'ont pas réussi à vivre. Oui. Et ça, c'est très néfaste. Oui, ça, c'est... Alors, dans les dénominations, c'est ce qu'on appelle le parent curling. Alors, c'est juste pour mettre un petit peu de légèreté dans la fin de cette émission. Le parent curling, en fait, c'est exactement comme au curling, c'est-à-dire que ce sport, vous lancez le palet et il y a quelqu'un devant qui frotte la glace pour que le palet aille bien, d'accord ? Alors le parlant curling, c'est il frotte tout devant l'enfant pour que l'enfant ait une piste parfaite. D'accord. Donc le parent curling, il appréhende déjà avant même que ce soit arrivé toutes les situations pour améliorer à l'avance, sans même savoir quoi comment, le parcours de l'enfant. Parce que le parent drone, c'est encore un peu différent. Le parent drone, c'est je veux le meilleur pour toi, études, loisirs, qu'il n'y ait aucune frustration, qu'il n'y ait pas d'émotion négative. Et ça m'a aussi beaucoup fait. Enfin, ça m'a surpris de dire qu'il y a, j'en connais, je peux pas dire voilà plus, mais je connais des parents comme ça qui ne veulent que leurs enfants n'aient que des émotions positives et joyeuses. Et donc, les enfants n'ont pas le droit d'avoir d'émotions négatives. Donc, il y a aussi les pendants. Hein. Il n'y a pas rien que parent hélicoptère, drone et curling. Il y a différentes catégories et à chaque fois, à mon sens, ça relève quand même d'une médiation. Oui, c'est sûr. Il existe des gens en plus dans le secteur. On peut vous donner les coordonnées. Vas-y, Lia. Ah oui. Eh ben, je vous le donne tout de suite. Alors, il s'appelle Jérôme et il est médiateur sur Épinal. Alors, il s'appelle Jérôme Robert. Voilà, médiateur sur Épinal. Donc, vous tapez Jérôme Robert, vous le retrouverez. Il a beaucoup d'années d'expérience. Il est venu faire une émission avec moi. Il a même été mon formateur. Donc, n'hésitez pas à le contacter. Lui ou quelqu'un d'autre. Hein, il existe beaucoup de personnes. En fait, dans ce secteur-là. Et je pense qu'à un moment donné, rétablir le dialogue, parce que tout simplement, parfois, on veut dire la même chose, on ressent la même chose, mais c'est notre manière de communiquer, en fait, qui ne fonctionne pas. C'est pas parfois du désamour. Alors, toutes les situations sont différentes. Il y a des parents qui sont nocifs pour leurs enfants. Mais quelquefois, sous le désamour, il y a de l'amour. Bien sûr. Il faut pas l'oublier. Il peut être caché, il peut être... Mais la première intention peut être une intention bienveillante au départ. Tout à fait. Voilà. Eh bien, on va terminer cette émission, non pas avec une chanson, mais avec un tout petit audio que je trouve sympathique. C'est L'enfant idéal de Béatrice Copper-Royer. Comment réussir à limiter le sentiment d'angoisse chez certains jeunes parents ? Les parents, maintenant, ils veulent très, très bien faire parce qu'ils ont peu d'enfants. Ils choisissent le meilleur moment pour les avoir et donc ils se mettent une pression terrible pour en se disant qu'il faut qu'ils les rendent le plus heureux possible. Et d'ailleurs, qu'en retour, leurs enfants les rendent les plus heureux possible. Donc, il y a une pression qu'il n'y avait pas autrefois quand on avait pas le contrôle de la contraception et qu'on avait beaucoup plus d'enfants. Donc, c'est vrai qu'on sent aujourd'hui dans les consultations une assez forte anxiété des parents qui, en plus de ça, n'ont pas vraiment envie de faire comme leurs propres parents. Donc la transmission n'est pas forcément pour eux quelque chose, enfin, parole d'évangile, si je puis dire. Et donc, ils manquent de repères. Hein, ils veulent quelque chose d'un peu parfait, d'un peu trop parfait peut-être, et ils peuvent s'inquiéter. Un idéal de famille modèle qui se heurte aux réalités. Oui, exactement. Parce que l'enfant en chair et en os, c'est pas l'enfant fantasmé, c'est pas l'enfant des rêves. Il fait des caprices. Je vois beaucoup de parents qui sont tellement déconcertés par les colères assez normales d'enfants de 3 ans. Ils veulent pas se coucher le soir. Bref, il y a des tas de petits contretemps qui finalement sont pas du tout graves, mais qui, au regard de ce mythe de la perfection, si je puis dire, et de l'enfant idéal, n'est pas est mal perçu. Voilà, nous revoilà en direct. Nous allons vous quitter, mais avant, nous allons laisser Marouane s'exprimer. Bon, que tout le monde qui m'écoute, tous les parents qui peuvent m'écouter, ce que je dis, mon témoignage n'est pas un réquisitoire contre vous, les parents. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. On vous aimera toute notre vie, peu importe la situation qu'il peut y avoir entre l'enfant et le parent. On veut juste parfois être compris par ceux qu'on aime le plus, et je pense que c'est quelque chose que beaucoup d'enfants n'ont pas la force de le dire et le courage de le dire sous prétexte de la peur ou sous peur de jugement de la part des parents. Donc moi, j'encourage tous ces jeunes qui sont comme moi, qui sont dans un mal-être comme ça par rapport à cette oppression, etc., qu'il y a de temps en temps, de communiquer leurs problèmes. Et je pense que c'est dans le dialogue qu'on fera avancer les choses. Et quand les choses avanceront, il y aura un peu plus de bonheur entre le parent et l'enfant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Très jolie conclusion. Alors, ce que je pourrais dire, c'est qu'on va se retrouver dans 15 jours. N'hésitez pas à dire autour de vous que vous pouvez intervenir par téléphone ou sur les pages Facebook de Radio Gémozo et de Ralentir pour vivre à Beau. Simplement, c'est important d'en parler, comme là on a eu l'occasion aujourd'hui d'en parler avec des auditeurs, qu'ils s'expriment et qu'on puisse parler d'un sujet en le dédramatisant, mais aussi en ouvrant le dialogue et aussi en ouvrant les pistes des soutiens qu'on peut avoir, ce qui est très important. Merci beaucoup à vous tous, merci à Lia de sa participation. Avec plaisir, et à bientôt. Nous vous remercions, chères auditrices et auditeurs.